La délégation du Parti Travail de Corée, conduite par Choi Tae-bok, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, en visite au Laos, a visité le vide courant le musée de Kaesŏn Pwonbian à la ville de Vientiane.